écoutez Femmes-Hommes, à partir du moment où vous êtes sexuellement actif, les chances que vous ayez été porteur du papillomavirus sont proches de 100%. Heureusement, dans plus de 90% des cas, ce virus est expulsé et l'histoire s'arrête là. Mais dans les 10% restants, il peut créer, notamment chez la femme, des lésions utérines dont certaines peuvent dégénérer jusqu'à former une tumeur. C'est pourquoi l'Académie de médecine vient de publier un rapport qui préconise de vacciner les jeunes filles, mais surtout les jeunes garçons, ce qui en France, au vu de la défiance envers les vaccins, est loin d'être gagné. Papillomavirus, à cause des garçons, c'est le programme prophylactique qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour parler de ce papillomavirus, de couverture vaccinale et de prévention, hein, pas uniquement de cancer de col de l'utérus, parlons-en immédiatement, mais de toute une variété de cancers qui concernent également donc ces messieurs. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Isabelle Heurt, bonjour. Bonjour. Vous êtes gynécologue obstétricienne, ex-directrice du Centre National de Référence du Papillomavirus à l'Institut Pasteur, et Philippe Descamps, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur en gynécologie obstétrique au CHU d'Angers, auteur de Docteur. J'ai encore une question. Tout ce que vous avez voulu savoir sur la gynécologie sans jamais oser le demander, c'est aux éditions Larousse. Mais on commence, eh bien, comme chaque jour, avec le journal des sciences de Natacha Triou et cette semaine spéciale prix Nobel. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et donc, bien, premier Nobel de la semaine, celui de médecine ce matin. Il revient à un trio de chercheurs, les deux Américains William Kaelin Jr., Greg Semenza et le Britannique Peter Radcliffe, pour leur recherche conjointe sur l'hypoxie. Et l'hypoxie, c'est lorsque l'organisme se trouve en manque d'oxygène. Et depuis les années 90, leurs travaux ont permis de mieux comprendre comment les cellules s'adaptent aux changements dans leur taux d'oxygène. En travaillant sur le gène de l'EPO, une hormone qui est impliquée dans la régulation du nombre de globules rouges, Semenza a découvert une molécule qui s'appelle IF, une protéine qui tient un rôle dans le processus d'oxygénation. Leurs découvertes ont ouvert la voie de nombreuses pistes thérapeutiques, notamment en cancérologie. Myriam Bernaudin est chercheuse CNRS, elle dirige le laboratoire Imagerie et stratégie thérapeutique des pathologies cérébrales et tumorales de l'Université de Caen. À travers la compréhension de comment marche le gène de l'EPO, ils ont pu montrer, en particulier Semenza, qu'il existe un facteur de transcription qui se met sur le gène de cette protéine et qui va induire du coup la synthèse de cette protéine quand il y a justement un manque d'oxygène. Et il a mis en évidence vraiment dans ce gène une petite séquence qu'on appelle des HRE pour Hypoxia Response Element, qui sont des séquences où justement va se fixer ce facteur de transcription que l'on appelle IF et engendrer après ce qu'on appelle l'expression en fait du gène qui code pour, là en l'occurrence le premier gène c'était l'érythropoïétine qui a été étudié, mais depuis on en est à 300 gènes qui sont sous le contrôle de ce facteur de transcription. Après aussi, Peter Radcliffe et puis Kaelin ont montré après tout ce processus de régulation par d'autres protéines qu'on appelle PVHL et prolylhydroxylase. Ce facteur de transcription, quand on est en présence d'oxygène, normalement dans des conditions, on va dire, physiologiques, de base, il va être continuellement détruit, dégradé par ce processus qu'ils ont décrit. Et lorsqu'on est en manque d'oxygène, ce mécanisme de dégradation continue de ce facteur de transcription vont être arrêtés et donc permettre du coup une augmentation de ce facteur IF dans nos cellules et du coup la transcription de gènes qui vont permettre d'adapter la cellule à ce manque d'oxygène. Voilà pour le prix Nobel de médecine 2019. On continue évidemment tous les jours, demain avec la physique, après-demain avec la chimie, dans le journal des sciences avec Natacha Triou, mais sur franceculture.fr aussi, au plus tôt possible après l'annonce des lauréats avec les travaux du camarade Pierre Roper qui s'occupe de tous les articles science sur notre site franceculture.fr. Et on passe au bref. Une étude parue dans la revue Science renforce l'hypothèse du monde à ARN. L'hypothèse du monde à ARN, c'est l'hypothèse selon laquelle l'origine de la vie sur Terre est basée sur l'ARN avant l'émergence de l'ADN. Des chimistes allemands ont réalisé une expérience dans de l'eau chaude à partir de quatre molécules organiques, A, U, C, G, des éléments de base des nucléotides. Et ils ont réalisé en laboratoire une soupe prébiotique. L'étude montre que les cycles entre conditions humides et conditions sèches fournissent les environnements nécessaires pour achever la formation des bases nucléiques. Les chercheurs d'IBM en Suisse et ceux de l'université d'Oxford en Grande-Bretagne viennent de synthétiser un anneau de pur carbone. Un cyclocarbone, une molécule composée de 18 atomes de carbone. Jusqu'à présent, on pensait que ce cyclocarbone ne pouvait avoir qu'une existence théorique. Cette molécule a été assemblée grâce à un microscope à force atomique et sous une température de moins de 168 degrés. Dans cette étude parue dans Science, les résultats suggèrent que cette nouvelle chaîne de carbone a des propriétés de semi-conducteur. Et selon une étude parue dans The Journal of Environmental Psychology, l'idée que l'on se fait d'une couleur dépend de notre environnement météorologique. Et des chercheurs suisses ont examiné les données d'une enquête sur plus de 6000 personnes dans 55 pays et sur leur perception des couleurs, et en l'occurrence pour le jaune. Cette couleur est généralement associée à l'idée de gaieté, du moins, tu vois c'est clair, hein, plus on s'éloigne de l'équateur et plus on subit la grisaille. En Égypte par exemple, ces couleurs sont synonymes de joie à 5%, en revanche, en Finlande, là où le soleil se fait plus rare, le jaune représente le bonheur à plus de 80%. Voilà, j'ai bien fait de peindre ma chambre en jaune pour affronter les 6 mois d'automne qui, de grisaille qui nous attendent. Merci beaucoup Natacha. On vous retrouve demain pour le prix Nobel donc de physique et le prochain journal des sciences. Eh bien, je le disais donc tout à l'heure, l'Académie de médecine s'est prononcée fin septembre en faveur d'une vaccination à l'adolescence pour les deux sexes, filles et garçons, contre le HPV, le papillomavirus, responsable essentiellement, mais pas que, du cancer du col de l'utérus. Une recommandation dont on peut douter de l'impact, hein, compte tenu du très faible taux de vaccination des jeunes filles en France. On est à peine aux alentours, en tout cas, de 20%. Là où d'autres pays, avec une politique vaccinale plus volontaire chez les deux sexes, ont des résultats tout à fait significatif, comme cela a été expliqué dans ce document vidéo du Monde.fr. En Australie, plus de 70% des hommes de 15 ans sont aujourd'hui vaccinés, mais aussi 78,6% des femmes du même âge. Résultat, la population australienne dans son ensemble est de mieux en mieux protégée et le cancer du col de l'utérus y a pratiquement disparu. Dans certains États des États-Unis, comme le Texas ou la Virginie, le vaccin contre le HPV est même obligatoire. Reste qu'en France, les taux de vaccination sont extrêmement bas. Seuls 20% des jeunes filles sont vaccinées contre le HPV, et pour les hommes, le chiffre est insignifiant. Pourquoi ? Eh bien, au moins pour deux raisons. La première, c'est que le vaccin est cher. En France, il coûte entre 330 et 400 euros et n'est remboursé qu'à 65% par la Sécurité sociale. En Australie, il est gratuit. La seconde, c'est que c'est un vaccin controversé, car il est accusé de provoquer des effets secondaires graves, et en particulier des maladies auto-immunes. Pourtant, le lien entre le vaccin et ces maladies n'a jamais été prouvé. Voilà, une réaction peut-être à cette archive et à la décision de l'Académie de médecine qui s'est prononcée, donc, comme je le disais, fin septembre, Isabelle Heard. Non seulement le lien n'a jamais été prouvé, mais en fait c'est le contraire. Le lien entre la vaccination et les maladies auto-immunes, on a montré qu'il n'y avait pas de lien dans une étude faite en France avec l'ANSM et les données de la Caisse primaire d'assurance maladie, qui est la première étude qui a été réalisée dans le monde sur une cohorte de filles vaccinées. De combien de personnes ? Qui a été suivie de plusieurs millions de jeunes filles, qui ont été suivies pendant plusieurs années et qui a montré qu'il n'y avait pas d'augmentation des maladies auto-immunes chez les filles qui avaient été vaccinées. Ça c'est pour la vaccination, et on reviendra évidemment là-dessus, mais sur cet avis de l'Académie de médecine qui engage aujourd'hui et qui encourage à une vaccination chez les filles, mais aussi chez les garçons. Est-ce que c'est une bonne chose ? Est-ce que c'est suffisant ? Est-ce que c'était nécessaire ? C'est absolument indispensable parce qu'on sait aujourd'hui que les cancers dus à l'HPV en dehors du cancer du col de l'utérus, c'est-à-dire le cancer du canal anal et le cancer de la base de la langue et de l'amygdale, ORL, ces cancers-là sont plus fréquents, plus nombreux que le cancer du col. Et ces cancers-là, on les trouve essentiellement chez les hommes, et c'est pour ces cancers-là, il n'y a pas de dépistage. Donc, en ne vaccinant que les filles, on ne protège pas les filles contre le cancer, on ne protège pas les filles contre un certain nombre de cancers, mais surtout, on ne protège pas les garçons. C'est le papillomavirus, comme vous l'avez dit très bien, on se le partage tous au début de notre vie sexuelle. Et donc, il faut vacciner tout le monde. Philippe Descamps, sur cette recommandation de l'Académie de médecine et sur le fait que, par ailleurs, alors on a beaucoup traité de la question et du problème de la défiance vaccinale en France, mais j'étais par exemple moi, à Londres il y a très peu de temps, il y a des campagnes d'affichage dans le métro pour vacciner les jeunes garçons. Absolument. Alors, sur la question de l'Académie de médecine, il faut rappeler... Oui, l'Académie de médecine, j'ai l'Académie des sciences et l'Académie de médecine. Oui, l'Académie de médecine, il faut rappeler qu'il y a eu le 20 mars 2019 un appel des 50 qui regroupait 50 sociétés savantes et académies et personnalités illustres, dont l'Académie de médecine et l'Académie de chirurgie, et qui recommandait cette vaccination universelle, c'est-à-dire pour les garçons et pour les filles. Il n'y a eu aucun impact. C'est quand même assez effrayant de se dire que 50 sociétés savantes recommandent, donnent un avis et expliquent pourquoi. Ce que Madame Herde a très bien dit, pourquoi la France est tellement en retard par rapport aux autres pays, on va y revenir après, et il n'y a pas eu d'écoute. Donc on est un petit peu navrés, nous les scientifiques, les médecins qui avaient en face de nous des patients et des patientes, par cette non-réaction des autorités de santé. On peut redire rapidement, et on va y revenir après, mais comme vient de le dire Isabelle Herde, effectivement, on associe le papillomavirus au cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, ce cancer du col de l'utérus, on le connaît, il y a des mécanismes de dépistage qui permettent aussi d'en éviter la propagation, en tout cas la diffusion, mais il est responsable d'un certain nombre d'autres cancers qui touchent aussi bien l'homme que la femme, ce qui justifie cet avis que vous venez de donner de l'Académie de médecine et Société Savante Philippe Descamps. Oui, absolument, c'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des, Isabelle Herde l'a très bien dit, il y a des cancers chez la femme, il y a des cancers du vagin, il y a des cancers de la vulve, des cancers de l'anus et des cancers ORL, et chez l'homme il y a des cancers du pénis, des cancers de l'anus également et des cancers ORL. Ce qui est très intéressant, on va en parler après, c'est que si on prend l'exemple du cancer de l'anus, par exemple, dont on parle jamais quand on parle de cancer, en fait, de vaccination HPV, puisque pour la plupart des gens, c'est la vaccination contre le cancer du col. Mm-hmm. Toujours. Ah bah dans la psyché voilà. Générale, c'est HPV, col de l'utérus, exactement. Point. Or, le cancer de l'anus augmente d'une façon régulière depuis plusieurs années. On a des chiffres là-dessus ? On a des chiffres, absolument. Et ce qui est très intéressant, c'est de montrer que le cancer de l'anus, il augmente aussi chez les personnes, les hommes hétérosexuels, par exemple. Bon, on comprend les mécanismes sexuels qui font que chez les femmes, il peut augmenter, que chez les hommes, il augmente. Mais il augmente également chez les hommes hétérosexuels. Et donc, on a des chiffres de l'INCa, là, qui ont été publiés récemment, et qui montre que on a une augmentation de l'incidence globale chez les femmes et chez les hommes depuis 2005, et que on a une apparition dans les tranches moyennes, particulièrement chez les 50 ans. Et il y a une augmentation régulière. On a les mêmes chiffres aux États-Unis, donc c'est problématique. Plus les cancers ORL, et effectivement, vous l'avez très bien dit, pour tous ces cancers, il n'y a aucun dépistage. Et on peut quand même, à notre époque d'équité sociétale, d'équité entre les genres, expliquer que là, les hommes sont pénalisés parce qu'ils n'ont pas de dépistage. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. À 16h15 sur France Culture, nous parlons donc du HPV, le papillomavirus, avec Isabelle Herde et Philippe Descamps. Je crois qu'on vient de poser relativement bien et de manière assez synthétique les enjeux de santé publique que représentent la recherche, la prophylaxie et le dépistage liés à ce virus. Alors peut-être, Isabelle Herde, peut-on dire qu'est-ce que c'est que le HPV ? On parle du HPV, mais bon, racontez-moi un peu ce que c'est que ce virus. Alors, le papillomavirus, c'est un virus avec lequel on s'infecte tous les hommes et toutes les femmes, on dirait tous les garçons et toutes les filles au début de l'activité sexuelle. On se partage tous gentiment ce papillomavirus. Et quand on dit tous, c'est vraiment tous, c'est quasiment tous, c'est 100%. Hein. Tous, enfin, on l'a tous eu à un moment donné. On se le partage gentiment. Et en fait, chez les jeunes, trouver du papillomavirus, ça veut seulement dire qu'ils sont sexuellement actifs. Voilà. Mais la chose est assez bien faite parce que les femmes, en 1 à 2 ans, on va mettre en place une immunité qui va nous permettre de nous en débarrasser. Et en fait, les hommes, on pourrait les considérer plutôt comme des, en tout cas chez les hétérosexuels, comme des porteurs. Ils transportent le papillomavirus d'une partenaire à l'autre et sans vraiment être infectés la plupart du temps. Mais les filles, elles vont s'infecter au niveau du col de l'utérus et on le sait maintenant, elles s'infectent au moins autant au niveau du canal anal. Alors, on va voir les mécanismes justement physio-pathologiques de l'action de ces HPV. Peut-être rester d'abord, faire un peu de microbiologie, si vous voulez bien, Philippe Descamps. Qu'est-ce que c'est que ce petit virus? C'est un petit virus de la double hélice ADN qui est codant pour 8 ou 9 protéines. Et en fait, on dit un HPV, mais il y a différentes formes de ces HPV, dont certaines qui sont plus virulentes que d'autres. Effectivement, on a, alors je confirme tout à fait ce qu'a dit Madame Meurde, on a, tout le monde rencontre le papillomavirus. Moi, je dis toujours ça en consultation, puisque nous, les gynécologues, nous voyons les mamans qui demandent des renseignements pour leur petite fille. Et je leur dis, vous avez eu le papillomavirus et moi aussi. Donc, elles me regardent avec des gros yeux et c'est cela la réalité, si vous voulez. Donc, une fois qu'on a admis ce concept, que c'est un marqueur d'activité sexuelle et que c'est pas un marqueur de mauvaise vie, parce que souvent, on implémente l'HPV avec, oui, mais enfin, elle a eu beaucoup de rapports, beaucoup de partenaires. Non, le débat, il n'est pas là. Donc tout le monde le rencontre effectivement. Alors pour répondre à votre question, il y a 200 types d'HPV et moi j'ai dans mes topos, je mets toujours une diapo du Tour de France avec des dossards, c'est un petit peu ça, vous avez plein d'HPV et puis la loterie de la vie fait que vous rencontrez des gentils ou des méchants et puis la loterie de la vie fait que vous en débarrassez ou pas. Donc on les connaît, les HPV qui donnent les condylomes qui sont les verrues génitales qu'il faut pas banaliser parce que c'est extrêmement invalidant les condylomes, on estime qu'on en prend en charge environ 200 000 en France par an. Donc vous voyez que ce n'est pas rien. Et bien les condylomes, c'est le 6 et le 11. Et puis, il y a les oncogènes, ceux qui vont pouvoir donner le cancer si on ne s'en débarrasse pas. Et là, il y a une liste importante. Les deux plus importants, c'est le 16 et le 18, qui étaient dans le vaccin initial, on va en parler. Mais il y en a d'autres, le 31, le 33, le 35, 39, 45. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que la répartition n'est pas la même dans le monde entier. C'est-à-dire qu'il y a des pays où ça va être plutôt le 35, ça va être plutôt le 33. Il est vrai qu'en Europe, dans nos pays, c'est plutôt le 16 et le 18 qu'on rencontre le plus souvent. Mais qui sont ceux-là extrêmement méchants. Éditeur, donc on parle de tropisme et de potentiel... Ça allait m'arriver forcément. Et oui, vous voyez ce que ça fait de s'appeler Martin. Quand on a Isabelle Heard, et on salue Éditeur si elle nous écoute, que nous avons reçu à ce micro et qui est une grande épigénéticienne. Isabelle Heard, excusez-moi, on parle de tropisme et de potentiel oncogénique différent. Alors, effectivement, le papillomavirus chez la jeune fille, il va se mettre au niveau du col de l'utérus parce que il se met dans des cellules qui vont se transformer et c'est là qu'il s'installe. Et quelquefois, il va rentrer dans le mécanisme de la différenciation de la cellule et c'est là que la cellule va se mettre à fabriquer elle-même du papillomavirus et au bout d'un moment, l'organisme va fabriquer des défenses qui vont arriver ou pas à nous en débarrasser. Et il y a certains papillomavirus contre lesquels on se débarrasse très bien et qui n'ont pas un pouvoir transformant très important. Il y en a d'autres qui sont plus pathogènes. Le plus important, c'est l'HPV-16, qui est responsable de la moitié des cancers du col de l'utérus, qui est responsable de 80% des cancers du canal anal et qui est aussi le papillomavirus que l'on retrouve dans les cancers ORL. Pourquoi il est beaucoup plus oncogène que les autres, c'est probablement parce qu'il a une capacité à se cacher et à ce que le système immunitaire ne puisse pas le détecter. Et donc il reste des années. Très longtemps. Et c'est la persistance de l'infection par les papillomavirus oncogènes qui fait la transformation et la mise en place d'une lésion précancéreuse, puis 20 ans après, 30 ans après, d'un cancer du col de l'utérus ou du canal anal ou de la gorge. Philippe Descamps ? Oui, un petit complément. On est une journée de prix Nobel, donc il faut quand même qu'on dise autour de cette table que Harald Thurhausen a eu le prix Nobel de médecine pour la découverte du vaccin en 2008, donc il n'y a pas si longtemps. Ça me paraît être une notion extrêmement importante. Et pour compléter les propos, le vaccin, il n'y a pas de matériel génétique. On va venir au vaccin. On va y venir. Donc il n'est pas dangereux, mais on va y revenir. Bien sûr, on va revenir au vaccin. Là, on va vraiment essayer de comprendre d'une part ce que sont ces HPV et surtout comment ils fonctionnent sur le col de l'utérus, mais aussi à divers endroits que l'on vient de citer. Peut-être un mot aussi qui est important, parce que on peut se dire comment se fait-il que nous soyons tous porteurs. On peut préciser peut-être, Isabelle Heard, que l'une des caractéristiques de ces HPV, c'est qu'ils sont extrêmement résistants. C'est-à-dire qu'ils restent, ils sont partout, ils sont, je vais dire des choses horribles, mais sur la barre du métro, ils peuvent rester absolument à l'air libre, ils résistent aux détergents, enfin bref. Oui, absolument. J'ai un collègue qui a fait une étude sur il a prélevé dans les toilettes des aéroports, l'HPV, et voilà. Partout. Il y en a partout et à des quantités incroyables. Mais il ne faut pas se dire que parce qu'on a tenu la barre du métro ou qu'on a mis sa main sur les toilettes, on va tout de suite être infecté et avoir le cancer. Ce qu'il faut dire, et là, disons-le maintenant justement, c'est que dans 90% des cas, même un peu plus, ce virus, on s'en débarrasse naturellement. Voilà, on s'en débarrasse tout seul comme des grands et il n'y a aucune séquelle de cette infection. Mais quelquefois, on n'arrive pas à s'en débarrasser. Et malheureusement, ce dont on se débarrasse le moins, c'est l'HPV16. Et aussi, il y a des facteurs immunologiques qui font qu'on ne s'en débarrasse pas. Par exemple, les transplantés, les personnes qui sont immunodéprimées. Les immunodéprimés n'arrivent pas à se débarrasser du papillomavirus. Quand on est infecté comme ça, quand on a une infection, je vais dire, classique, quand on est dans le cadre de ces 90%, est-ce que c'est symptomatique ? Jamais, jamais. C'est une infection transitoire. On l'appelle latente. Elle n'a aucune traduction. Personne ne le sait. Et même si à ce moment-là, d'ailleurs, on fait des frottis pour le dépistage, par exemple, du cancer du col, la plupart du temps, ils vont être normaux. Il y a juste du virus. On crache, si je peux dire, du virus. On fabrique du virus, on le crache. Et puis, et puis, c'est tout. Et alors, Philippe Descamps, que se passe-t-il dans les 10 autres pourcents ? Alors 10 autres pourcents, ça ne veut pas dire que dans 90% on n'a pas de cancer, dans 10% on a un cancer. Ça veut dire que dans 10%, pour ce qui est du col de l'utérus, et puis on discutera des autres endroits après, mais dans 10% des cas, il commence à se passer quelque chose. Alors absolument, il se passe quelque chose, c'est-à-dire que dans une période qui va varier de 10 à 15 ans, on aura une atteinte au niveau du col de l'utérus avec un développement de lésions progressivement, toutes les lésions étant accessibles à un dépistage. Donc c'est tout l'intérêt effectivement de la réalisation de dépistage par frottis ou par typage HPV, on va en parler après. Mais cette lésion, elle met du temps. Alors il y a des cancers extrêmement foudroyants, bon, mais on parle de la généralité, et donc on va avoir, disons, des lésions de type 1, de type 2, de type 3, qui vont des dysplasies, ouais. On appelle alors, cela. Alors c'est quoi exactement ces lésions ? Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau... parce que ça se passe dans une zone très particulière dans laquelle le HPV peut rentrer. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ça ? Bien sûr, en deux mots, il y a ce qu'on appelle une zone de jonction au niveau du col de l'utérus, c'est-à-dire que pour faire simple, le col c'est un petit cylindre comme cela, à l'intérieur il y a un type d'épithélium et à l'extérieur un autre. Et ces deux épithéliums, ils sont unis par une jonction et c'est là que l'HPV va agir. On appelle ça la jonction nous pavimento-cylindrique. Donc c'est ici que l'HPV JPC. Agit. Exactement. Voilà. La jonction pavimento-cylindrique, tout à fait. Et à ce moment-là, donc si on développe l'HPV pour plein de raisons, des raisons immunitaires, le tabac compte beaucoup aussi, il faut le dire, l'herpès compte, il y a des cofacteurs, eh bien, on va pouvoir développer une lésion qu'on va appeler CIN1, CIN2, CIN3. Ce qui est très intéressant, c'est que sur le plan fondamental, ces lésions peuvent régresser. Vous voyez, pour les CIN1, il y a 60% de régression spontanée. Les CIN2, 40% de régression. On peut ne même pas se rendre compte de ces lésions quand on est porteur. Voilà. Et ce qui est très important pour les médecins, c'est que si vous faites un frottis, par exemple, à une jeune fille de 27 ans, je prends à dessein la période 20-30 ans, qui est la période de contamination, comme Isabelle l'a dit tout à l'heure, il faut surtout pas se précipiter, parce que dans 60% des cas, les CIN1 vont régresser spontanément. Et même les CIN3, qui sont des lésions juste avant l'état précancéreux, ils peuvent régresser dans 30% des cas. Là, il viendrait à l'idée de personne de les laisser évoluer. Bien sûr. Isabelle Heard, sur justement les mécanismes, que se passe-t-il justement au niveau cellulaire à cette JPC, à cette jonction pavimento-cylindrique ? Comment le virus agit-il ? Sur quel type de cellules ? Et puis comment ces lésions se transforment-elles en tumeurs ? Eh bien, le virus, il va infecter les cellules de ce qu'on appelle la couche basale de cet épithélium. On va vous mettre, je précise juste pour les auditeurs, on va vous mettre un petit schéma visuel pour que vous compreniez de quelle zone il s'agit et comment ça fonctionne sur le fil Twitter de l'émission At la méthode FC, ce qui viendra renforcer les explications qu'Isabelle Heard est en train de vous donner. Et donc, au fur et à mesure que la cellule va se différencier, eh bien, le virus va se reproduire dans la cellule et dans les étapes terminale de la différenciation, parce que c'est un épithélium qu'on appelle pluristratifié, un peu comme un mur en pierre sèche, si vous voulez. Je vais rappeler juste que les épithéliums, ce sont les parois organiques, où on a des épithéliums partout, dans l'utérus, mais aussi dans les intestins, le côlon, etc. La peau est un épithélium. Voilà. Et les particules virales vont se reformer. Et quand la cellule va être à l'étage supérieur, et où la cellule va désquamer, va mourir, va tomber de cet épithélium, eh bien la particule virale va être excrétée dans le vagin. Et donc, il y a toujours de l'infection. Et en fait, au fur et à mesure que, surtout avec les papillomavirus oncogènes, eh bien, au fur et à mesure de la différenciation cellulaire et de la mise en jeu d'oncoprotéines, la différenciation cellulaire va être perturbée et la cellule ne va plus pouvoir se mettre en cycle naturellement. Elle va se mettre à se multiplier de plus en plus anarchiquement et il n'y aura plus de contrôle de cette multiplication cellulaire, et c'est là que on a les processus précancéreux et qu'à un stade ultime, on a le cancer. Mais il faut savoir que si on s'infecte toutes à l'âge de nos premiers rapports sexuels, disons entre 16 et 18 ans... Et précisons aussi, parce qu'on ne l'a peut-être pas dit, on s'infecte même avec des préservatifs. Ah oui, c'est un peu le problème, parce que le papillomavirus, Mais il faut le dire, absolument, il va partout. Et puis, à la définition d'un rapport sexuel, c'est assez compliqué. En fait, moi, je trouve qu'on ferait mieux de parler de la vie amoureuse que du rapport sexuel. Parce que il y a des contacts, on pourrait dire, génitaux, buccaux, qui font que du virus, il y en a partout. Et donc, je voulais finir en disant que si on s'infecte toutes à 18 ans, au début de la vie sexuelle... Toutes et tous, Non, mais je voulais parler du cancer du col. Bien sûr. Eh bien, je voulais juste dire que le cancer, il est là quand il y en a vers 40, 45, vers 45, 50 ans. Et donc, que c'est un processus qui est extrêmement lent. Je voulais dire ça parce que quand on diagnostique une lésion précancéreuse chez une femme, on a encore tout à fait le temps de réfléchir à ce qu'on va faire. C'est jamais une urgence. Il ne doit jamais y avoir de panique. C'est un processus qui nécessite qu'on réfléchisse à ce qu'on va faire et qu'on dialogue avec le médecin qui va être en charge de l'enlever, si c'est ça la solution qui est retenue. Comment on explique effectivement que ce soit un cancer qui se développe en autant de temps, Philippe Descamps ? Ben ça, c'est la physiologie cellulaire et c'est l'agressivité du virus, parce qu'il y a quand même, on l'a évoqué tout à l'heure, des cancers qui évoluent beaucoup plus rapidement, même au niveau du col de l'utérus, si la patiente est immunodéprimée, si elle est transplantée, si elle a le HIV. Donc on voit des situations différentes. Un HIV non traité. Non traité. Là, on parle effectivement de la population moyenne et il est tout à fait vrai qu'en moyenne, on estime toujours qu'entre les lésions débutantes de dysplasie et l'état précancéreux, ce qu'on appelle le cancer in situ, on a 10 à 15 ans. Donc ça peut aller jusqu'à 20 ans, effectivement. Donc effectivement, on a le temps et c'est vrai qu'il ne faut pas, on va en parler après, mais il ne faut pas se précipiter, faire des conisations à toutes les jeunes femmes. Conisation, c'est enlever un petit morceau du col parce qu'il y a un papillomavirus et un frottis pathologique. Rapidement, peut-être, ce mode d'action du HPV que vous venez de décrire l'un et l'autre sur l'épithélium utérin, c'est à peu près la même chose qui se produit sur le canal anal ou dans la sphère ORL, Isabelle Heard ? C'est exactement la même chose parce qu'il se trouve que dans le canal anal, il y a exactement de la même façon une jonction squamocylindrique entre un épithélium pavimenteux et un épithélium cylindrique. Et donc, c'est de la même façon, exactement au même endroit que le processus se met en place. Au niveau ORL, on ne sait pas grand-chose au niveau ORL. Et on n'a aujourd'hui pas identifié le lieu où le papillomavirus va se développer et on n'a pour le moment pas identifié la lésion précancéreuse au niveau de l'amygdale. On pense que le virus va aller à l'intérieur des cryptes de l'amygdale ou de la base de langue, mais on n'a pas encore montré quelle est l'évolution entre l'infection et le cancer. Peut-être un mot, parce qu'on n'en a pas tellement parlé, vous l'avez rapidement abordé Philippe Descamps aujourd'hui, sur l'épidémiologie de ces cancers du col de l'utérus qui sont, on peut le dire, tout de même globalement en diminution depuis les années 60, mais avec aujourd'hui quelques petites remontées, notamment des remontées dans le cadre des lésions. Je ne sais pas, peut-être Isabelle Heard là-dessus. Oui, les dernières données qui viennent d'être publiées par Santé publique France il y a quelques semaines, moi je trouve qu'elles sont un peu préoccupantes parce qu'elles montrent que d'abord le cancer du col de l'utérus, il augmente. L'incidence, le nombre de nouveaux cas, il augmente depuis le début des années 2000, un petit peu, chez les femmes âgées de 45 à 65 ans. Et aussi, les lésions précancéreuses augmentent de presque 6% par an. Oui, ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. Chez les jeunes filles qui sont âgées de jeunes femmes de 25 à 44 ans. Donc, bon... On a envie de dire vaccinons tout le monde. Vaccinons et dépistons aussi, on va y revenir. Peut-être aussi un mot par rapport à l'épidémiologie, Philippe Descamps, pour dire qu'il y a une grande inégalité territoriale, qu'il y a beaucoup plus de cas de cancer de col de l'utérus dans des endroits où il y a non seulement peu de vaccination, peu de dépistage, en Afrique subsaharienne, oui, absolument. En Asie du Sud-Est. Mais si on reste à la France, enfin si on considère uniquement la France, il faut vraiment insister sur le fait que 40% des femmes ne bénéficient pas d'un frottis, d'un dépistage. C'est énorme. C'est-à-dire jamais dans leur vie. Elles ne bénéficient pas du dépistage tel qu'il est recommandé entre 25 et 65 ans. Donc il ne faut pas se dire ça concerne l'Afrique subsaharienne et nous ne sommes pas concernés. il y a des grandes inégalités en France, dans les territoires d'outre-mer, par exemple, dans les aux Antilles-Guyane, il y a beaucoup plus de cancers du col et de dysplasie. Donc ça, c'est effectivement à prendre en considération. Les chiffres qui ont été cités par Isabelle à l'instant, c'est aussi les chiffres de l'INCa. Et effectivement, on a assisté aux effets du dépistage systématiquement a été mis en place. Il a été mis en place dans les années 90 et entre 90 et 2018, on a une réduction de 1,8% par an, donc super. Et puis il y a une stagnation à partir des années 2000. Et là, effectivement, on voit une réaugmentation dans la tranche d'âge des femmes nées après 1950, parce qu'elles refont leur vie, parce qu'il y a des couples séparés, parce qu'elles rencontrent à nouveau des HPV et qu'elles redéveloppent des lésions. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. Il y a de très belles études qui ont été publiées aux États-Unis qui montrent qu'en fait, ces femmes, on s'infecte à 15 ans et qu'en fait, le papillomavirus peut rester latent, silencieux, pendant 40 ans et que c'est... Même en l'absence de nouvelles relations, oui, ou de nouveaux partenaires. Oui, sans qu'il y ait un nouvel apport de papillomavirus et que à la ménopause, avec des modifications hormonales et immunitaires locales, ce virus qui est resté silencieux, latent pendant 40 ans, recommence à s'exprimer. Et on voit, d'ailleurs, c'est un travail qu'on avait publié au centre de référence, on voit aujourd'hui, mais tout le monde le trouve, que chez les femmes qui ont plus de 65 ans, on voit une augmentation de la prévalence de l'infection HPV, alors qu'on était à des taux qui étaient inférieurs plus tôt. Et c'est pas uniquement lié à l'activité sexuelle débordante des femmes de 65 ans, c'est aussi au réveil d'un papillomavirus. Au réveil, on trouve de toute façon partout dans l'environnement, donc l'activité sexuelle n'est pas forcément un lien. Oui, effectivement, les deux thèses ne sont pas du tout antinomiques. Hein. Je crois qu'il y a les deux. Hein. Mais il y a quand même des modifications sociétales qui font qu'il y a beaucoup de femmes qui, à 40 ans, réabordent une vie sexuelle nouvelle. C'est vrai. C'est un virus de Laurent Sahan sur France Culture à 16h35. C'est un virus dont nous parlons effectivement tout au long de cette heure. Le papillomavirus, le HPV, responsable de cancer de col de l'utérus, mais aussi de cancer du canal anal, de cancer ORL. On en a parlé avec nos deux invités. Nous allons continuer à en parler avec Isabelle Heurde, gynécologue obstétricienne et ex-directrice du Centre National de Référence du Papillomavirus à l'Institut Pasteur, et Philippe Descamps, professeur en gynécologie obstétrique au CHU d'Angers. Mais comme on l'a entendu, le papillomavirus aujourd'hui est assez bien connu, ses mécanismes relativement bien identifiés, sauf peut-être effectivement, comme le disait Isabelle Heurde tout à l'heure, dans la sphère ORL. Mais aujourd'hui, une partie de la recherche s'intéresse aux mécaniques génétiques d'action du virus sur les cellules infectées. Bonjour Antoine Beauchamp. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes rendu à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris pour comprendre ces recherches oncogénétiques. Oui, et c'est David Veillère qui est virologue à l'hôpital européen Georges Pompidou qui m'a reçu avec son équipe. David Veillère étudie le génome du papillomavirus et les sites d'intégration de ce virus dans le génome humain pour savoir si la présence de ce virus dans certaines zones du génome favoriserait l'apparition de cancer. À partir de ces données oncogénétiques, David Veillère et son équipe cherchent à mieux adapter les traitements des personnes atteintes de cancer, mais aussi à voir si ces nouvelles données pourraient améliorer le dépistage de cancer à papillomavirus induit. Nous, particulièrement, ce qui nous intéresse, ça va être tout l'aspect cancérologie, puisque sur le site, des patients infectés par le papillomavirus vont développer des cancers dans certains cas, et les cancers peuvent être dans différentes localisations, et notamment au niveau cervical, le col utérus, c'est ce qui est le plus connu, et également au niveau ORL. Et il se trouve que sur l'hôpital européen Georges Pompidou, il y a des services de chirurgie à la fois ORL et gynécologique qui prennent en charge ces patients qui ont des cancers HPV induits. Alors, j'aimerais qu'on rentre un petit peu maintenant dans le détail de notre sujet, le papillomavirus. Vous me parliez de ces patients atteints d'un cancer lié à ce papillomavirus-là. Quel type de recherche vous menez à la fois en clinique, à la fois avec ces patients qui arrivent ici à l'hôpital et en laboratoire ? Alors surtout des recherches qui utilisent des nouveaux outils qui n'étaient pas disponibles, on va dire, dans les dernières décennies, et sont principalement des outils de biologie moléculaire. On a fait le pari avec notre équipe, le docteur Hélène Perret et beaucoup de collaborateurs sur Pompidou, que c'était pas forcément assez intéressé au virus jusque-là dans ces cancers. Et les techniques actuelles nous permettent d'aller disséquer un petit peu ce virus. Et les techniques de biologie moléculaire, notamment ce qu'on appelle le séquençage haut débit, nous permettent d'aller étudier à la fois le génome du virus, mais également de voir, parce que le virus papillomavirus est un virus qui peut s'intégrer dans le génome de l'hôte. Et ça, c'est pas toujours facile d'aller voir où est-ce qu'il s'intègre dans la cellule humaine, parce que vous le savez, le génome humain est très grand, et donc les techniques de séquençage de tout le génome existent, mais elles sont lourdes en termes d'équipement, de ressources informatiques, de traitement de la donnée également. Et nous, par exemple, à l'hôpital européen Georges Pompidou, on a mis en place une technique qui avait d'abord été développée à l'Institut Curie, qu'on appelle capture HPV, qui nous permet d'aller juste capturer, on va dire, les séquences génétiques de l'HPV dans la cellule tumorale, de la sélectionner, de la trier, on va dire, cette information génétique. Et si des séquences humaines, suite à l'intégration du virus dans la cellule, sont présentes, on va pouvoir les séquencer et on va pouvoir spécifiquement séquencer ces séquences d'humains. Ce qui nous permet, grâce à cette technologie, par exemple, innovante, d'avoir à la fois le génome complet du papillomavirus humain et les sites d'intégration dans le génome humain. Et ça peut avoir des conséquences importantes, parce que peut-être qu'on va découvrir à terme que certains gènes du virus favorisent le développement de cancer ou empêchent une bonne réaction immunitaire vis-à-vis de ce cancer. On va peut-être aussi découvrir que l'intégration du virus dans certaines zones du génome humain sont responsables du développement du cancer ou sont responsables du fait que l'immunité ne réagisse pas bien. Il y a une autre approche qu'on a aussi très intéressante. Il se trouve que lorsque vous faites un cancer, quand ça se passe pas bien, vous pouvez développer des métastases. Et dans les cancers, on va dire non viraux induits, le papillomavirus est un virus non viraux induit, on peut rechercher ce qu'on appelle l'ADN tumoral circulant, qui est un marqueur d'envahissement tumoral, ce qui fait qu'on est dans un stade où la métastase peut s'établir. Et c'est pas toujours facile de trouver cet ADN tumoral circulant, parce que l'ADN des tumeurs, en principe, ressemble beaucoup à l'ADN non tumoral, et donc faut trouver la mutation de la cellule tumorale a priori avant d'aller la chercher dans le sang et faire la distinction entre l'ADN normal, on va dire, et l'ADN tumoral. L'avantage avec le virus HPV, qui est présent dans la tumeur, c'est qu'il n'est pas présent dans aucune autre cellule à l'état normal. Donc on peut aller chercher l'ADN tumoral circulant en allant chercher l'ADN de l'HPV dans le sang. Et ça, c'est assez novateur. Il y a quelques équipes qui ont travaillé dessus. Nous, on fait partie aussi de ces équipes un peu précurseurs, on va dire. Et ça donne des résultats qui peuvent être intéressants, à la fois en termes de pronostic, peut-être, pour les patients, savoir s'il faut traiter plus ou pas ces patients, en fonction du taux qu'on va retrouver dans l'ADN circulant. Ça donne des indications aussi en termes d'avancement de la maladie. Et ça donne aussi des indications. Pour l'instant, les données préliminaires laissent à penser que ce sera très important dans les données de suivi. Si cet ADN tumoral disparaît, ce sera a priori un très bon marqueur d'efficacité du traitement mis en place pour traiter la pathologie tumorale. Là, on parle de suivi, on parle de traitement. Est-ce que ça peut avoir aussi des implications en termes de dépistage ? C'est probable. La technologie dont je viens de vous parler, l'ADN tumoral circulant, probablement ce sera pas sa première indication, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait une tumeur et qu'il sorte de son endroit initial pour qu'on trouve l'ADN tumoral circulant. Et ça, c'est bien établi. Il n'y a pas d'ADN tumoral circulant dans les lésions précancéreuses. En revanche, tout le travail qu'on fait sur la génétique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire trouver des marqueurs de réponse au traitement, trouver des marqueurs de facteurs de risque de non-réponse justement immunitaire ou de mauvaise réponse au traitement ou de développement vers le cancer. Ça, nos études génétiques, on pense que peut-être à terme, nous on travaille sur des cancers, mais peut-être à terme pourront être appliquées à des lésions prétumorales. Peut-être qu'on pourra, en étudiant les cellules cancéreuses, trouver des marqueurs, des biomarqueurs, on appelle ça éventuellement, qui permettront de dire cette lésion-là va évoluer vers un cancer ou pas. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu. On n'a pas cet outil-là dans le dépistage des cancers HPV. On n'a pas encore d'outils qui permettent, sans aller voir vraiment au niveau de la lésion, s'il y a une lésion. Et même quand on voit s'il y a une lésion, on n'est pas sûr de savoir, on ne peut pas dire si elle va évoluer vers un cancer ou pas. Et ça, c'est ce qui manque, c'est vraiment ce qui nous manque à l'heure actuelle, et l'enjeu est de taille. Voilà, la recherche oncogénétique à l'hôpital européen Georges Pompidou à Paris. Peut-être une réaction simplement l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Isabelle Heurt, vous voyez prendre des notes. Je trouve que c'est effectivement aujourd'hui extrêmement important de trouver des marqueurs de transformation, des marqueurs tumoraux, parce que comme on l'a vu, tout le monde s'infecte. Il y a quand même à peu près 1% des femmes qui font des lésions précancéreuses. Et donc, si on pouvait à ce moment-là avoir un marqueur qui permette de dire on va vous opérer et vous serez définitivement guéri, ou on va vous opérer, mais quand même, il y a peut-être un risque ultérieur de transformation. Il faut continuer de vous surveiller. Ce serait beaucoup, beaucoup préférable. Et je trouve ça extraordinaire à quel point plus on avance, on sait que le papillomavirus est l'agent du cancer du col depuis seulement 20 ans. On a trouvé un vaccin qui devrait permettre de faire disparaître ces cancers. Et là, maintenant, on travaille sur des marqueurs de transformation. Donc, je trouve que ça reste une maladie absolument passionnante. Philippe Descamps. Oui, l'idée, c'est effectivement d'intervenir en amont et de cibler des femmes qui sont positives à l'HPV, de pouvoir leur dire, vous, vu votre biomarqueur, vous ne développerez pas un cancer, vous allez le développer, on vous surveille ou on vous traite. Il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué en première partie de cette émission, c'est le traitement. Alors rapidement, hein, parce que ça donnerait lieu finalement à une autre émission, mais tout de même, le traitement de ce cancer du col de l'utérus, on peut dire qu'aujourd'hui, dans l'ensemble, avec toutes les précautions d'usage évidemment, c'est un cancer qu'on sait relativement bien soigner, Isabelle Heurt. Oui, je crois qu'au niveau du cancer invasif du col de l'utérus, toujours la même chose, ça dépend à quel moment on le dépiste. Si on le dépiste dans les phases début de cancer, oui, on a des bonnes façons de le traiter. Mais c'est opération, chimio, radiothérapie. Oui, il y a différents protocoles, peut-être que oui. Vous pouvez en parler mieux que moi. Philippe Descamps. Oui, il faut distinguer l'état précancéreux où on va faire ce qu'on appelle une conisation, comme je l'évoquais tout à l'heure. La conisation, comme son nom l'indique, c'est faire un petit cône, enlever un petit morceau du col et le faire analyser. Et puis après, quand on a des cancers invasifs, effectivement, on passe à des séquences beaucoup plus lourdes qu'il ne faut pas banaliser, parce que ça comprend très souvent l'ablation de l'utérus, la radiothérapie, la chimiothérapie. Donc, c'est des femmes qui, potentiellement, n'auront plus d'enfants. Moi, je veux juste dire un mot d'éconisation, parce que c'est un argument que j'utilise quotidiennement avec les patientes réticentes. Comme on disait tout à l'heure, les gynécologues voient les mamans pour leurs filles. Et quand je suis un petit peu à bout d'arguments et que je sens une résistance totale à la vaccination, je leur dis, écoutez, on espère quand même que votre petite fille aura un jour une vie affective et créera une famille. Donc elles acceptent bien sûr ça en disant, oui, je rêve d'être grand-mère. Et je leur donne ces chiffres, je leur dis, vous voyez, quand on a fait une conisation, ça c'est une analyse de la Cochrane de 2017, il y a un risque relatif d'accouchement prématuré de 1,75 globalement, et en dessous de 34 semaines, c'est-à-dire des prématurités relativement sévères, il y a un risque relatif de 2,25. Il y a un risque relatif de rupture des membranes, donc c'est pas une bonne nouvelle. De 25, on parle de pourcentage? De risque relatif. De risque relatif, d'accord. De risque relatif. Par rapport à un référentiel de 1. Par rapport à un référentiel de 1. D'accord. Donc ce n'est pas rien. La rupture des membranes, c'est 2,36. L'admission en réanimation, c'est 1,45. Et la mortalité périnatale, c'est 1,51. Donc de faire une conisation, on en fait 35 000 par an en France. C'est une intervention qui est relativement légère, qui se fait en chirurgie ambulatoire. C'est-à-dire que la patiente sort le soir. Mais c'est pas non plus dénué de conséquences pour des grossesses ultérieures. Et ce qu'il faut donner comme message également, c'est que parmi ces 35 000 conisations faites en France, il y a une femme sur quatre qui mènera à bien un projet de grossesse ultérieurement. Pourquoi ? Parce que l'âge de la première grossesse se décale. Et vous savez qu'actuellement, il est 30 ans et qu'on voit très facilement des patients de 35, 36 ans, 40 ans, 42 ans qui ont un projet de grossesse et qui ont déjà eu une conisation. Donc, il ne faut pas banaliser tout cela. Quand, où en est-on aujourd'hui ? Alors, on sait que maintenant, on va rentrer un peu dans ce qui fait débat. Il y a deux vaccins prophylactiques. Isabelle Heard, oui. Quels sont les retours d'études que l'on a sur leur effet et sur le développement d'une part de lésions et d'autre part de cancer du col de l'utérus? Alors en fait il y a trois vaccins HPV. Il y a un vaccin HPV qui est le Cervarix, qui protège contre les HPV 16 et 18, qui est extrêmement efficace contre ces deux virus, mais qui ne protège pas contre les virus des condylomes. Ce vaccin, aujourd'hui, il est très peu utilisé parce que il y a deux autres vaccins qui existent, qui sont le Gardasil, qui lui protège aussi contre le 16 et le 18, mais aussi contre les HPV 6 et 11 qui donnent les condylomes. Le Gardasil, aujourd'hui, il est non-avalent. Hein. Alors attention, excusez-moi. J'essaie d'être scolaire. Allez-y, et donc, ce vaccin, il est quadrivalent et il a une efficacité qui a été largement prouvée dans de nombreuses études et il prévient 70% des cancers du col de l'utérus. Et puis, on a vu tout à l'heure qu'il y a d'autres papillomavirus qui donnent des cancers et donc l'industriel qui faisait ce quadrivalent, il a fabriqué un 9-valent, un non-avalent qui, lui, arrive à proposer, permet une prévention de 90% des cancers du col de l'utérus, de 90% des lésions précancéreuses et de presque tout, 80% au moins des cancers du canal anal. Donc, ces vaccins permettent aussi la prévention des condylomes dont on sait la gêne que ça peut occasionner pour les gens. Donc, ces vaccins, aujourd'hui, il y a des études qui montrent, on a beaucoup de recul, et qui montrent qu'il y a une efficacité indiscutable de ces vaccins. Alors, l'efficacité, on l'a vu sur l'infection, on l'a vu sur la lésion précancéreuse. Bien sûr, on l'a pas encore vu sur le cancer. On a dit tout à l'heure qu'on met 30 ans à faire un cancer. Donc, on peut pas voir aujourd'hui l'efficacité des vaccins sur le cancer. On la verra dans 30 ans. Mais vous disiez tout à l'heure 70% pour le Gardasil 4. 70% oui, de prévention du cancer. Oui, alors, oui. C'est des chiffres qui sont basés sur... Pour les lésions précancéreuses. C'est des chiffres qui sont basés sur, voilà, sur l'estimation. On n'a pas de données sur le cancer. Oui, alors j'adhère tout à fait à ce qui vient d'être dit. Peut-être en complément, quand on discute, nous les cliniciens, avec des virologues, c'est un petit peu, vous l'avez rêvé, les chercheurs l'ont fait. Parce qu'un vaccin qui est aussi efficace, qui a priori ne nécessitera pas de rappel, qu'on peut faire à l'âge de 11 ans... En une prise. Il y a deux injections entre 11 et 14 ans, on va y revenir après, et trois injections de 14 à 19 ans ou plus tard. On va y revenir aussi après, sur le plus tard, parce que c'est particulièrement important. Bien sûr. Mais si vous voulez, c'est une aventure assez exceptionnelle. Et quand même, dire à une maman, votre fille va être protégée de 90% des cancers du col. Ou à un papa d'ailleurs. Ou à un papa, et votre fille ou votre fils. Et ça, on va en reparler également après. En complément de ce qu'a dit Isabelle, il y a une étude extrêmement importante qui a été publiée dans le Lancet il y a quelques mois, de Madame Drolet, pour ne pas la citer, qui a fait une méta-analyse en reprenant des séries et qui analyse 60 millions de patientes qui ont été vaccinées dans le monde. C'est énorme. Il y a 14 pays, il y a 65 articles, et c'est des études de 2007 à 2018. Et les résultats sont tout à fait fait sidérant. Il y a une efficacité totale. Et effectivement, on va arriver. Donc, on démontre actuellement qu'il y a une disparition, une diminution, puis une disparition des lésions précancéreuses. On va y arriver en Australie, dans la tranche 18-25 ans, des jeunes gens vaccinés, puisque les garçons sont vaccinés, les condylomes ont disparu et les dysplasies sont en train de disparaître. Et donc, le cancer va disparaître. Il y a un seul papier qui a été publié le 26 décembre 2017. Moi, je dis toujours, quand je fais mes cours, c'était le cadeau de Noël de l'année 2017. Mais c'est pas un article, c'est un poster dans un congrès qui a démontré une diminution des cancers. C'est un auteur qui s'appelle Unstarinen. Peu importe, on y arrive. C'est-à-dire que les anti-vaccinaux qui disaient toujours « oui, mais on n'a pas de preuves », évidemment qu'on a des preuves. Pensez quand même qu'il y a 280 millions de doses de vaccins qui ont été prescrites dans le monde à ce jour. 280 millions. Donc on peut pas dire on n'a pas de recul. Et les études sont là, effectivement, on va voir disparaître les lésions précancéreuses et on va voir disparaître les cancers. Alors pas besoin de reparler des maladies auto-immunes, je crois que Isabelle Hort, vous l'avez dit aujourd'hui, ça a été complètement démontré qu'il n'y avait pas de lien par une étude épidémiologique suffisamment large pour montrer qu'il n'y a pas de lien entre ces vaccins et les maladies auto-immunes. Un mot, alors, peut-être possible, parce qu'on parle donc du cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, on entendait dans le reportage qu'il peut y avoir des formes de dépistage en cherchant des marqueurs par prise de sang. Mais qu'en est-il du cancer du canal anal et des cancers ORL qui sont déclenchés par le papillomavirus aujourd'hui? Est-ce qu'on a des moyens pour réussir à les dépister, Philippe Descoutes? Il n'y a aucun dépistage, non, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, d'où l'inégalité homme-femme et femme-femme quand on parle de ces localisations. Moi, si vous le permettez, je veux bien faire un tout petit arrêt sur les maladies auto-immunes, parce que c'est quand même cela qui constitue un facteur de réticence majeur dans la population et que nous entendons en consultation tous les jours. C'est « je veux pas faire prendre de risques à mon enfant, on n'a pas assez de recul et il ressort toujours le spectre de l'hépatite virale ». Vous savez qu'en France, on a eu ce traumatisme de l'hépatite virale. Donc vraiment, en un mot, un seul, je pense qu'il faut bien insister sur ce que l'on appelle la coïncidence temporelle. Moi je dis toujours à mes patientes, on a 800 000 naissances par an en France. Il y a 400 000 petits garçons, 400 000 petites filles. Vous prenez la tranche d'âge de 11 ans. À 2% près. Oui, c'est ça, exactement. Vous prenez la tranche d'âge de 11 ans à 19 ans, donc vous suivez ces cohortes pendant 8 ans, il va se passer des choses. L'exemple de la jeune fille de Bordeaux qui avait été tant médiatisée, qui avait eu un problème de sclérose en plaques, qui s'était retrouvée dans un fauteuil roulant quelques temps après une vaccination, c'est très malheureux, mais c'est pas la faute du vaccin, on le sait, parce que ces 280 millions de doses ont été suivies dans le monde. Malheureusement, et je pense qu'il faut expliquer ça aux gens, c'est très très important, malheureusement, le vaccin n'est pas le traitement de la sclérose en plaques. Malheureusement, le vaccin n'est pas le traitement du syndrome de Guillain-Barré. Donc, si votre enfant, quand il a été vacciné, il ou elle a été vacciné, développe une maladie 6 mois, 1 an, 2 ans après, on en est très attristé, mais ça ne sera pas le vaccin parce que les chiffres le montrent. Et croyez bien, parce que enfin, il faut arrêter la suspicion permanente que si nous, les médecins, on avait l'ombre d'un doute, on ne prescrirait pas des vaccins qui pourraient engendrer des maladies auto-immunes. Donc il y a aujourd'hui suffisamment de recul, on l'a dit tout à l'heure, et 280 millions de doses, des organismes de santé qui surveillent, et il n'y a aucune évidence, Isabelle Herde l'a très bien dit, d'augmentation de maladies auto-immunes. Un mot peut-être sur la défiance. Alors on va parvenir là aussi, puisque c'est un débat très complexe que nous avons pris à bras-le-corps plusieurs fois autour de ce micro, mais tout de même pour dire que la défiance peut être aussi liée au fait, Isabelle Herde, de se dire que voilà, quand on propose de vacciner un jeune ou une jeune adolescente très jeune sur une maladie qui est quand même une maladie connotée sexuellement, il y a un petit problème de barrière mentale à franchir. Moi, je ne sais pas, c'est une question. Oui, ben vous avez, de toute façon, tout le monde la pose en France, c'est le grand débat. Moi, je pense que ça, c'est une question qui n'a strictement aucun intérêt. Je pense que si, effectivement, on avait d'emblée vacciné à l'âge de 11 ans en faisant la proposition de faire l'injection vaccinale au moment du rappel pour les autres vaccins et de façon systématique, et que l'État avait pris l'engagement de l'ajouter dans les 11 vaccins obligatoires en disant « je prends la responsabilité de la chose », eh bien, on n'en serait pas là où on en est. C'est catastrophique. Et quand vous parliez de l'hépatite, voilà, l'État, au moment du vaccin hépatite, l'État avait décidé de vacciner dans les écoles et donc avait pris la responsabilité de dire « c'est pas dangereux ». Et puis c'est désengagé et là, on ne voit pas comment on pourrait remonter. Un mot peut-être, Philippe Descamps, qu'est-ce qui se passe quand on a passé l'âge de 19 ans? Il y a des vaccins thérapeutiques, il y a des vaccins qu'on peut prendre quand on est plus âgé, quand on ne s'est pas fait vacciner plus jeune? Alors qu'est-ce qui se passe quand on a dépassé l'âge de 19 ans? Moi j'ai cette question tous les jours avec les étudiantes en médecine par exemple qui sont dans le service et qui sont en 5e année, qui ont 23 ans et qui me disent « j'ai pas été vacciné ». J'ai bien sûr un copain, j'ai une vie sexuelle. Et je leur dis toujours, il est fort peu probable que vous ayez rencontré les 9 types de HPV qui sont contenus dans le vaccin. Donc allez-y. Alors effectivement, vous ne serez pas remboursé. Mais il y a un gros intérêt à faire cette vaccination. Il faut quand même savoir que il y a des recommandations américaines qui ont évolué et qui ont été publiées en juin 2019 et qui recommandent la vaccination jusqu'à 26 ans et une vaccination jusqu'à 45 ans à la demande, c'est-à-dire que c'est pas une vaccination de masse, c'est pas dire faut vacciner tout le monde, mais en fonction de votre vie, ce qu'on évoquait tout à l'heure, j'ai 40 ans, j'ai des nouveaux partenaires, pourquoi ne pas me vacciner? Mais la vaccination, elle est efficace alors qu'on on a déjà du HPV dans le sang, qu'on a déjà été contaminé, Isabelle Hard. Votre avis, absolument pas. Comment ça marche? Vous n'êtes pas d'accord avec les Américains alors? Non, pas du tout. Comment ça marche le vaccin? Le vaccin, il empêche la cellule de s'infecter. D'accord? On fait des anticorps qui font que quand le virus arrive, il ne rentre pas dans la cellule. Quand on n'a pas eu d'activité sexuelle, quel que soit le papillomavirus qu'on va rencontrer, il n'y en a aucun qui va rentrer. Quand on a commencé sa vie sexuelle avant d'être vacciné, on est déjà infecté par l'infection, elle est multiple, on ne s'infecte pas par un, on s'infecte par plein d'HPV. Et donc, on est déjà infecté. On vaccine là-dessus, mais on ne sait absolument pas contre quoi, finalement, on va prévenir l'infection, parce qu'on les a déjà tous rencontrés. Et alors, on vit avec cette espèce de sensation que je suis vaccinée, donc je risque rien, je ne vais peut-être pas faire mes frottis, je ne vais peut-être pas faire ma prévention, comme les autres, puisque je suis vaccinée, alors qu'en fait, on a aucune protection. Mais on n'est pas en antinomie. Je suis complètement d'accord avec le fait que quand on est vacciné, il faut faire des frottis. Moi, ce dont je parlais, c'était des femmes qui ont passé ce cut-off de 19 ans et qui se posent la question d'une vaccination. Et c'est vrai que les recommandations américaines vont aujourd'hui jusqu'à 26 ans pour les garçons et pour les filles et jusqu'à 45 ans, dans certains cas particuliers, à considérer par un échange partagé. Et moi, je voulais surajouter que quand on a des études montrant des vaccinations à préconisation, donc des femmes qui ont eu l'HPV, qui ont une lésion précancéreuse, et qui en a fait une chirurgie, qu'on a évoquée tout à l'heure, eh bien, quand on les vaccine, il y a 80% de moins de récurrence. Donc ça veut bien dire que même chez ces femmes qui ont montré la preuve qu'elles avaient rencontré l'HPV, il y a une efficacité. Donc on n'est pas en antinomie, vous parlez du frottis après le vaccin. Moi, je parle de prolonger la vaccination, c'est complètement différent. Et pour revenir aux 11 vaccins, juste un mot, on est très admiratif du courage de Madame Buzyn, c'est pas parce que c'est notre ministre, mais c'est vrai que ça a été compliqué d'imposer ces 11 vaccins, mais néanmoins, cette mesure était très contre-productive parce qu'elle induit un doute. Parce que plein de gens ont dit, bah oui, mais enfin, si elle a pas mis l'HPV, il y a peut-être une raison. Et c'est vrai que ça a été très très contre-productif. Une question peut-être aussi sur la problématique du prix en France de ce vaccin qui coûte évidemment très cher et qui n'est peu ou pas remboursé. Il coûte rien à personne, le vaccin en France, puisque soit il coûte 130 euros la dose, il y a ou 2 doses ou 3 doses, soit vous avez une complémentaire de santé qui vous la rembourse, soit lorsque ce n'est pas le cas, dans tous les départements, il y a la mise en place de systèmes par la Ligue contre le cancer, par différents organismes qui remboursent. Donc ce vaccin ne coûte rien à personne en France. C'est ce qui est d'autant plus dramatique. Quand on voit les chiffres de vaccination, on se dit c'est tout à fait dramatique parce que ça ne coûte rien. Un mot peut-être pour conclure, Isabelle Heard, dans la prévention, l'attention. On a aussi parlé, on parlait du canal du cancer anal. Philippe Descamps nous disait que ça ne concernait pas que les hommes homosexuels, mais il y a peut-être une campagne de prévention à faire sur ce qu'on appelle les HSH, les hommes qui ont des rapports avec les hommes. Alors c'était pour ces hommes-là, on a proposé, le Haut Conseil de la Santé publique, on a proposé il y a quelques années un accès à la vaccination. Dès qu'un jeune homme qui se déclare comme étant homosexuel va dans un centre de dépistage anonyme et gratuit, on peut... Et qu'il demande la vaccination, elle lui est offerte gratuitement, quel que soit même s'il est déjà actif sexuellement. Bon, on aura l'occasion d'en rediscuter en tout cas. Merci beaucoup à tous les deux. J'ai plein d'annonces à vous faire. Déjà, vous avez entendu Antoine Beauchamp, vous l'entendez ici tous les jours, ou presque un jour sur deux en tout cas. Ne le ratez pas à partir de ce soir dans À Voix Nue, puisqu'il a pu s'entretenir avec Alain Prochian, ex-administrateur du Collège de France, dans une série passionnante en 5 épisodes. On va vous mettre évidemment le lien. Vous pouvez tout télécharger à partir d'aujourd'hui. Également demain, Média en scène, c'est un événement France Info, France Culture, Les Échos à la Maison de la Radio. J'aurai la chance d'y animer une table ronde autour des fake news et de la santé. Ce sera à 11h, on vous met le lien sur le fil Twitter de l'émission. Un mot pour vous envoyer également vers l'expérience, une très belle fiction sonore paléolithique, fossile sonore, avec notamment Yves Coppens, Florent Détroit. C'est une fiction de Franck Bessière et Nathalie Battus. Là aussi, on va vous renvoyer parce que c'est passionnant à écouter. Et puis pour conclure, puisque c'est la fête de la science, vendredi nous aurons une émission spéciale consacrée à la fête de la science, pour laquelle vous pouvez nous poser une ou deux questions scientifiques et nous tâcherons d'y répondre avec notre équipe du vendredi. Merci à Alex Dang qui était aujourd'hui à la technique. Demain, nous parlerons d'embouteillage et de trafic spatial en orbite géostationnaire à 16h jusqu'à preuve du contraire.